La vie de Michel-Ange, Romain Rolland. Troisième partie de la deuxième partie, solitude. L'anima mia, che con la morte parla. Ainsi, il vivait seul, avec ses humbles amis, ses aides et ses fous, et avec d'autres amis plus humbles encore, ses animaux familiers, ses poules et ses chats. Au fond, il était seul, et il l'était de plus en plus. Je suis toujours seul, écrivait-il à son neveu en 1548, et je ne parle avec personne. Il s'était peu à peu séparé non seulement de la société des hommes, mais de leurs intérêts même, de leurs besoins, de leurs plaisirs, de leurs pensées. La dernière passion qui le rattacha aux hommes de son temps, la flamme républicaine, s'était à son tour éteinte. Encore une fois, elle avait jeté une dernière lueur d'orage. Au temps des deux graves maladies de 1544 et 1546, quand Michel-Ange avait été recueilli par son ami Riccio dans la maison des Strozzi, républicain et proscrit. Michel-Ange, convalescent, fit prier Robert Strozzi, réfugié à Lyon, de rappeler au roi de France ses promesses. Il ajoutait que si François Ier venait rétablir la liberté à Florence, il s'engageait à lui élever à ses frais une statue équestre en bronze sur la place de la Seigneurie. En 1546, il donna à Strozzi, en reconnaissance de l'hospitalité reçue, les deux captifs dont Strozzi fit présent à François Ier. Mais ce n'était plus là qu'un accès de la fièvre politique. Le dernier, dans quelques passages de ses dialogues avec Giannotti en 1545, il exprime à peu près les pensées de Tolstoï sur l'inutilité de la lutte et de la résistance au mal. C'est une grande présomption d'oser tuer quelqu'un parce qu'on ne peut pas savoir sûrement si de sa mort sortira quelque bien et si de sa vie quelque bien ne fut pas sorti. Aussi, je ne peux supporter ces hommes qui croient qu'il n'est pas possible de produire le bien si on ne commence par le mal, c'est-à-dire par le meurtre. Les temps changent, de nouveaux événements surviennent, les désirs se transforment, les hommes se lassent et, au bout du compte, il arrive toujours ce qu'on n'avait point prévu. Le même Michel-Ange, qui avait fait l'apologie du tyrannicide, s'irritait à présent contre les révolutionnaires qui s'imaginent changer le monde avec un acte. Il savait bien qu'il avait été de cela. Et c'est lui-même qu'il condamnait amèrement. Comme Hamlet, il doutait de tout maintenant, de ses pensées, de ses haines et de tout ce qu'il avait cru. Il tournait le dos à l'action. Ce brave homme, écrivait-il, qui répondait à quelqu'un « Je ne suis pas un homme d'État, je suis un honnête homme et un homme de bon sens. » Celui-là disait vrai. « Si seulement mes travaux de Rome me donnaient aussi peu de soucis que les affaires des États. » La vérité, c'est qu'il ne haïssait plus. Il ne pouvait plus haïr. Il était trop tard. « Ah, mais, lasso chi purtroppo aspetta, chi giunga i suoi conforti tanto tardo. » Ancor se ben riguardi un generoso alter e nobil cuore, perdone porta a chi l'offende amore. Malheur à moi, fatigué d'une trop longue attente, malheur à moi qui parviens trop tard à ce que j'avais désiré. Et maintenant, ne le sais-tu pas, un généreux, fier et noble cœur pardonne et offre à qui l'offense amour. Il habitait au Macel dei Corvi, sur le forum de Trajan. Il avait là une maison avec un petit jardin. Il l'occupait avec un valet, une servante et ses animaux familiers. Il n'avait pas la main heureuse avec ses domestiques. Ils étaient tous négligents et malpropres, dit Vasari. Il en changeait souvent et s'en plaignait amèrement. Il n'eut pas moins de démêlés avec eux que Beethoven. Et ses ricordi, note, comme les cahiers de conversation de Beethoven, garde encore la trace de ses querelles de ménage. « Oh, qu'elle n'ait jamais été ici » écrit-il en 1560, après avoir renvoyé une servante, Girolama. Sa chambre était sombre comme un tombeau. Des araignées y créaient mille travaux et dévidaient leurs petits fuseaux. Au milieu de l'escalier, il avait peint la mort, portant sur l'épaule un cercueil. Il vivait comme un pauvre, mangeait à peine et, ne pouvant dormir, Il se relevait la nuit pour travailler avec le ciseau. Il s'était fabriqué un casque de carton et il portait au milieu, sur la tête, une chandelle allumée qui, de cette façon, sans lui gêner les mains, éclairait son travail. À mesure qu'il devenait plus vieux, il s'enveloppait de plus de solitude. Celui était en besoin, quand tout dormait dans Rome, de se réfugier dans le travail nocturne. Le silence lui était un bienfait, et la nuit, une amie. Ô nuit, ô doux temps, bien que sombre, où tout effort finit par atteindre la paix, qui t'exalte, voit bien et comprend bien, et qui t'honore à son plein jugement. Tu tranches de tes ciseaux toute pensée fatiguée, que l'ombre humide et le repos pénètrent. Et d'ici-bas, souvent, tu me portes en rêve là-haut, où j'espère aller. Ô ombre de la mort, par qui s'arrête toute misère ennemie de l'âme et du cœur, suprême et bon remède des affligés, tu rends la santé à notre chair malade, tu sèches nos pleurs, tu nous décharges de nos fatigués, tu laves les bonds de la haine et du dégoût. Vasari fit visite une nuit au vieil homme, seul, dans sa maison déserte, en tête-à-tête avec sa tragique Pietà et ses méditations. Quand Vasari frappa, Michel-Ange se leva et vint à la porte un chandelier à la main. Vasari voulut contempler la sculpture, mais Michel-Ange laissa la lumière tomber et s'éteindre, afin qu'il ne pût rien voir. Et pendant qu'Urbino allait en chercher une autre, le maître se tourna vers Vasari et dit « Je suis si vieux que souvent la mort me tire par mes chausses pour que je vienne avec elle. Un jour, mon corps tombera comme ce flambeau et, comme lui, s'éteindra la lumière de ma vie. » L'idée de la mort l'absorbait de jour en jour plus sombre et plus attirante. « Aucune pensée n'est en moi, disait-il à Vasari, où la mort ne soit creusée au ciseau. Elle lui semblait maintenant le seul bonheur de la vie. Quand mon passé m'est présent, et cela m'arrive à toute heure, ô monde faux, alors je connais bien l'erreur et la faute de la race humaine. Celui qui finit par consentir à tes flatteries, à tes vaines délices, prépare à son âme de douloureux chagrins. Il le sait bien, celui qui en a fait l'épreuve. Combien souvent tu promets la paix et le bien que tu n'as pas et que tu n'auras jamais. Aussi, le moins favorisé est celui qui demeure le plus longtemps ici-bas et qui moins longtemps vit, plus aisément retourne au ciel. Conduit par beaucoup d'années à ma dernière heure, je reconnais bien tard au monde tes délices. Tu promets la paix que tu n'as pas. Tu promets le repos qui meurt avant la naissance. Je le dis, et le sais par expérience. Celui-là seul est élu du ciel dont la mort suit de près la naissance. Son neveu, Leonardo, fêtant la naissance de son fils, Michel-Ange le blâma sévèrement. « Cette pompe me déplaît. Il n'est pas permis de rire quand le monde entier pleure. C'est manquer de sens que de faire une telle fête pour quelqu'un qui vient de naître. Il faut réserver son allégresse pour le jour où meurt un homme qui a bien vécu. » Et il le félicita l'année suivante d'avoir perdu un second fils en bas âge. La nature, que sa fièvre de passion et son génie intellectuel avaient jusque-là négligé, fut dans ses dernières années une consolatrice pour lui. En septembre 1556, fuyant Rome menacée par les troupes espagnoles du duc d'Albe, il passa par Spolète et y resta 5 semaines, au milieu des bois de chênes et d'oliviers, se laissant pénétrer par la splendeur sereine de l'automne. Ce ne fut qu'à regret qu'il revint à Rome, où il était rappelé à la fin d'octobre. « J'ai laissé là-bas plus de la moitié de moi-même, » écrivait-il à Vasari, « car véritablement la paix ne se trouve que dans les bois. Pace non si trova se non nei boschi. » Et, de retour à Rome, le vieillard de 82 ans composa une belle poésie à la gloire des champs et de la vie champêtre, qu'il opposait aux mensonges des villes. Ce fut sa dernière œuvre poétique, et elle a toute la fraîcheur de la jeunesse. Mais dans la nature, comme dans l'art, comme dans l'amour, c'était Dieu qu'il cherchait, et dont il s'approchait chaque jour davantage. Il avait toujours été croyant. S'il n'était dupe ni des prêtres ni des moines, ni des dévots et des dévotes, et si à l'occasion il les raillait rudement, il n'y eut jamais, semble-t-il, le moindre doute dans sa foi. Lors des maladies ou de la mort de son père et de ses frères, le premier de ses soucis fut toujours qu'il reçusse les sacrements. Il avait une confiance sans bornes dans la prière. Il y croyait plus qu'en toutes les médecines. Il attribuait à son intercession pour le bien qui lui était arrivé et le mal qui ne lui était pas arrivé. Il avait, dans sa solitude, des crises d'adoration mystique. Le hasard nous a conservé le souvenir de l'une d'elles. Un récit contemporain nous montre le visage extatique du héros de la Sixtine. Seul, priant la nuit dans son jardin de Rome et implorant de ses yeux douloureux le ciel étoilé. Il n'est pas vrai, comme on a voulu le faire croire, que sa foi ait été indifférente au culte des saints et de la Vierge. Ce serait une plaisante idée que de faire un protestant de l'homme qui consacra les 20 dernières années de sa vie à bâtir le temple de l'apôtre Pierre et dont la dernière œuvre, interrompue par la mort, fut une statue de saint Pierre. On ne peut oublier qu'à diverses reprises, il voulut entreprendre de grands pèlerinages. En 1545 à Saint-Pierre de Compostelle, en 1556 à Lorette, et qui faisait partie de la confrérie San Giovanni de Collato, Saint-Jean-Baptiste. Mais il est vrai que, comme tout grand chrétien, c'est en Christ qu'il vécut et qu'il mourut. « Je vis pauvre avec Christ », écrivait-il à son père dès 1512, et, mourant, il pria qu'on le fît souvenir des souffrances du Christ. Depuis l'amitié, surtout depuis la mort de Vittoria Colonna, cette foi prit un caractère plus exalté, en même temps que son art se consacrait à peu près exclusivement à la gloire de la Passion du Christ, sa poésie s'abîmait dans le mysticisme. Il reniait l'art et se réfugiait dans les grands bras ouverts du crucifié. Le cours de ma vie est arrivé, sur la montagne orageuse, par une fragile barque, au port commun où l'on débarque pour rendre compte et raison de toute œuvre pie et impie. Aussi, l'illusion passionnée qui me fit de l'art une idole et un monarque. Je connais aujourd'hui combien elle était chargée d'erreurs, et je vois clairement ce que tout homme désire pour son mal, les pensées amoureuses, les pensées vaines et joyeuses, que sont-elles à présent que je m'approche de deux morts. De l'une je suis certain, et l'autre me menace. Ni peinture, ni sculpture ne sont plus capables d'apaiser l'âme, tournée vers cet amour divin, qui ouvre pour nous prendre ses bras sur la croix. Mais la fleur la plus pure que la foi et la souffrance firent pousser dans ce vieux cœur malheureux fut la divine charité. Cet homme, que ses ennemis accusaient d'avarice, ne cessa toute sa vie de combler de ses libéralités les malheureux connus et inconnus. Non seulement il témoigna toujours la plus touchante affection pour ses vieux serviteurs et pour ceux de son père, pour une certaine Mona Margherita qu'il recueillit après la mort du vieux Bonarroti et dont la mort lui causa plus de peine que si c'était une sœur. Pour un humble menuisier qui avait travaillé à l'échafaudage de la chapelle Sixtine et dont il dota la fille. Mais il donnait constamment aux pauvres, surtout aux pauvres honteux. Il aimait à associer à ses aumônes son neveu et sa nièce, à leur en inspirer le goût, à les faire accomplir par eux sans le nommer lui-même, car il voulait que sa charité demeurât secrète. Il aimait mieux faire le bien que paraître le faire. Par un trait d'exquise délicatesse, il pensait surtout aux jeunes filles pauvres. Il cherchait à leur faire remettre en cachette de petites dotes pour leur permettre de se marier ou d'entrer au couvent. Tâche donc de connaître un bourgeois dans le besoin, qui est une fille à marier ou à mettre au couvent, écrit-il à son neveu. Je parle, ajoute-t-il, de ceux qui, dans le besoin, ont honte d'aller mendier. Donne-lui l'argent que je t'envoie, mais en secret, et fais en sorte de ne pas te laisser tromper. Et ailleurs. Informe-moi si tu connais encore quelque autre noble bourgeois dans un très grand besoin, surtout s'il a des filles à la maison. Il me serait agréable de lui faire quelque bien pour le salut de mon âme.